ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Donc on remercie le frère Sofiane de ses dorras ou de ses perles précieuses qui nous a ramené de l'imam Ibn al-Qayyim. Ça nous rappelle qui nous sommes et ça nous rappelle surtout la grandeur de ces hommes. Qu'Allah la récompense pour tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, comme on a expliqué tout à l'heure, il y avait plusieurs facteurs qui font que Allah jalla wa ala guide la personne. D'abord, premièrement, admettre que c'est lui qui a créé ce monde-là. Et que ce monde-là, il y a une origine à ce monde-là. Et l'origine ou le but de la création de ce monde, c'est, ou la sagesse pour la création de ce monde, c'est son adoration. Allah, khalaq al-khalqa, liya'budu. L'autre chose, l'autre élément principal de la conférence dans laquelle on a parlé un petit peu, c'est le rôle d'awr al-aql, le rôle du aql, de la raison, dans la guider. Et ce rôle-là, qui est le rôle de la guider, on a parlé, le rôle du aql plutôt, on a parlé de ce qui était le sens voulu de la raison. De la raison, et on a dit que la raison c'était al-murad biha, c'était quoi? C'était la raison saine. D'où la règle et le livre qu'a écrit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, al-aql sahih. Afwan les frères. Al-aql sahih la yunafi al-aql sahih. عفواً، العقل الصحيح لا ينافي النقل الصحيح. C'est-à-dire que la raison saine ne va pas en contradiction avec les textes. En fait, je suis un peu ému parce que j'ai pensé à ce dars-là et en fait, ce dars-là, je pensais à ça et je disais, je vais parler de la guider et je sais que c'est un bienfait qu'Allah nous a donné, qu'on pourra jamais le remercier, Allah Jalla wa Ala. C'était juste ça qui me tenait. C'est-à-dire que même là, je suis venu dans cet endroit-là et je me dis, Allah, il m'a guidé vers cet endroit-là, il m'a guidé vers ces frères-là qu'on aime pour Allah. De se souvenir de la ni'ma de la guider, c'est déjà un grand bienfait en lui-même. Allah Jalla wa Ala, c'est donc le guide. Il a guidé la création, les animaux ainsi que les serviteurs. فالله هو الذي خلق المخلوقات وهداها. قال جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى المخلوقات الهداية العامة وجعلها مهيئة لما خلقت له. الله parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a, ou parmi les sortes de guidés, parce qu'il y a quatre sortes de guidés qu'on va citer ici, c'est la guidée, la première c'est al-hidayatu al-am, la guidée hein, générale. Et cette guidée-là, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses créatures, par exemple, et qui va donc en l'avantage de ses créatures. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, on a donné l'exemple avec le veau qui va vers hein, la vache pour prendre de son lait. Il y va instinctivement, mais en réalité, c'est Allah qui l'a guidé vers cela. Wa Allah jalla wa ala kadhalik hada al-hidayata hidayat al-bayan. Allah il a guidé. La deuxième forme de guider, c'est la guidée qu'on appelle Hidayatul Bayan. Et cette guidée, comment qu'on pourrait traduire la guidée de l'orientation, barakallahu fik, la guidée d'orientation, c'est celle que on a parlé tout à l'heure et dont on a donné un petit aperçu. C'est celle du halal et du haram, de croyances bonnes à avoir ainsi que la bonne croyance qu'il faut avoir ainsi que les mauvaises croyances qu'il ne faut pas avoir. Et c'est celle qui est venue avec l'intermédiaire des prophètes alayhim salatu wassalam. Voilà la deuxième forme de guider. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donc créé et t'a montré la guidée à travers les prophètes alayhim salatu wassalam. Et il t'a donné toutes les toruq, toutes les voies. Il t'a montré toutes les voies avec lesquelles tu pourras aller au paradis. Comme il t'a montré aussi le chemin de l'enfer. Ibn Atiyya, rahmatullahi alayhi, dit dans son tafsir, الذي قدر فهدى, il dit هذا عام لجميع الهدايات في الإنسان والحيوان. Allah, donc Ibn Atiyya nous dit que ce verset-là, Fahada, il est général sur toutes les formes de guider, hein, qui sont envers l'être humain ou envers les animaux. Même dont les animaux se reproduisent, ça a été donné aussi par Allah Jalla wa Ala. Il y a une faïda qu'on avait pris aussi de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et c'était une faïda ajiba. Il dit, Ibn al-Qayyim, que la fourmi, lorsqu'elle vient vers son trou et qu'elle ramène un grain, en fait, et je crois qu'il avait donné l'exemple de la lentille, il dit, elle le coupe en deux. Et les savants, ils ont dit, en fait, pourquoi elle le coupe en deux? Pour pas que ça devienne un arbre, pour pas que cette graine-là germe et prennent aussi la forme de là, parce qu'elles détruiraient toute leur maison aux fourmis. Donc ça prouve qu'elle a un créateur qui l'a enseigné cela, subhanahu wa ta'ala. هذا شيء مما يتعلق بانواع الهدايات. Donc comme on a dit, الهدايه العامه. Ensuite il y a الهدايه Hidayatul Irshad wal Bayan, comme on a dit, et celle-là, c'est celle qui est citée dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wali kulli qawmin had, pour tout peuple un guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala approuve ou donne cette caractéristique-là à son prophète alayhi salatu wa salam en disant Wa innaka latahdi. Il a sirat mustaqim. Et certes, tu guides vers la bonne voie. Et Allah aussi dit dans le Coran, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et si vous vous retournez, c'est-à-dire que vous vous retournez, تَوَلَّيْتُمْ, comment qu'ils traduisent, hein, si vous détournez, na'am, sachez qu'il appartient hein, qu'au prophète la, le fait de montrer simplement yani la mission al-balagh al-mubin, la preuve évidente. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Thamoud, il dit wa amma thamoud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Et certes Thamoud, nous les avons guidés. Mais ici, c'est quoi comme guidée? Est-ce que c'est la guidée qui est celle qui va, qui sont devenus musulmans et qu'ils ont été bien guidés? Ou c'est l'autre guidée, Hidayat al-Bayan, celle qui montre juste hein, aux êtres humains quoi faire? C'est-à-dire le but de leur création. Hein, c'est laquelle? La première ou la deuxième? La première ou la deuxième? C'est la deuxième. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah n'a pas guidé Thamoud, c'est-à-dire la vraie guidée, ils ne sont pas devenus musulmans, sinon ils ne les auraient pas punis. Taïb. Alors, Thamoud, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Allah, il a donc appelé la non-guidée, il l'a comparé à l'ama. L'ama, ça veut dire quoi en arabe, ou en français plutôt? C'est le fait d'être aveugle, la cécité, c'est ça qu'ils disent. Le fait hein, d'être aveugle. Il a comparé ça, et ça te donne l'importance. Et ça te rappelle l'importance de la guider. Toi, des fois, tu dis, tu comprends pas. Tu vois une personne devant toi, qui fait des bêtises, qui fait des choses qui sont immondes à tes yeux. Et même aux yeux d'Allah, Jalla wa Ala, ces choses-là, elles sont interdites. Et t'es là, tu réfléchis. Tu dis, mais quand même, c'est grave ce qu'il fait. Sahulala, tu te dis ça. Mais Allah, il l'a dit. Allah, il le dit que ça, c'est des gens qui ne voient pas. Ils n'arrivent pas à distinguer, hein, ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est bon pour eux comme ce qui est, hein, ce qui est mauvais ou ce qui est bon pour eux. Et il l'a appelé Ama, ça veut dire qu'ils sont aveugles, ces gens-là. Ces gens-là, ils sont aveugles. Il dit Ibn Abbas, فَهَدَيْنَاهُمْ أَيْ بَيَّنَّا لَهُمْ. On leur a montré. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Tout prophète étant venu dans ce monde, il a bien montré la mission hein, dans laquelle, pour laquelle il est venu. Si on regarde ça, et ça on le voit dans quoi? Dans les histoires, dans les qasas, dans les récits hein, du Coran, à travers à travers les prophètes, alayhim salat wa salam, tu as Moussa alayhi salam, tu as Ibrahim, tu as Nuh qui a fait da'wa pendant 950 ans, ça c'est juste la da'wa. Donc ils ont montré hein, la voie à suivre. Mais regardez, suivez bien ce verset-là. Il dit فَهَدَيْنَاهُمْ. Donc بَيَّنَّا لَهُمْ, comme il dit Ibn Abbas, فَاسْتَحَبُّوا. Mais ils ont préféré. Alors il y a des gens, mes frères, faut pas vous étonner. Il y a des gens qui préfèrent les ténèbres et qui préfèrent l'égarement à quoi? À la guidée. Ça, quand tu lis comme ça dessus, tu dis subhanallah, istahabba, il préfère cette vie-là. Toi, des fois, tu vas chercher, tu dis non, peut-être qu'on lui a mal expliqué, non, peut-être que. C'est vrai, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais c'est pas aussi les choses principales. C'est pas les choses principales. Fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Ay bassarnahum wa bayyanna lahum wa waddahna lahum al-haq 'ala lisan nabiyyihim Salih, qui était le Nabi. Qui était envoyé au qawm de Thamoud, au peuple de Thamoud, فخالفوه وكذبوه, et ils l'ont traité de menteur, وعقروا ناقة الله, et ils ont tué la chamelle d'Allah, التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم. Allah, il avait donné donc ce signe-là, ce signe de naqa, c'est-à-dire, elle avait donc sa part à boire dans le puits, et c'était la chamelle d'Allah, c'est-à-dire que c'était une chamelle qui était un signe hein, pour le peuple de Thamoud. Thamoud, il n'a pas entendu ce peuple. Thamoud, il n'a pas entendu, ou plutôt, il n'a pas prêté attention à ce que ce prophète Saleh, à ce que leur prophète Saleh était venu avec. Alors là, subhanallah, il ramène une faïda qu'on cite souvent, Shinqiti rahmatullah alayh. Une faïda, c'est-à-dire une leçon très bénéfique à avoir pour tous, c'est que chaque peuple, Allah l'a puni par rapport au péché qu'ils ont fait. Ou l'acte qui a provoqué la colère d'Allah. L'acte qui a provoqué la colère d'Allah. Vous avez par exemple Thamoud. Thamoud, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Avant de tuer la chamelle, Aqarun Naqa, avant de tuer la chamelle, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Fatanadaw, hein ? C'est quoi le verset ? Fatanadaw. Non, l'autre verset. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. C'est ça. Ils ont appelé, ils ont crié, ils ont dit : oh toi, celui qui vient tuer. D'ailleurs, ils avaient peur. Hein. En vérité, au fin fond d'eux-mêmes, ils avaient peur de quoi ? Ils avaient peur de tuer cette naqala, au fin fond d'eux-mêmes. Et ils ont laissé miskin, le plus pauvre ou le plus malheureux d'entre eux, et c'est aussi le moins raisonnable d'entre eux. Sahalala. C'est le moins raisonnable d'entre eux, et d'où l'importance de la raison saine dans la guidée. Il est parti, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué la chamelle. Mais avant de la tuer, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont appelé. Allah, il a châtié le peuple de Thamoud. Avec quoi ? Avec quoi ? Avec un cri. Avec un cri. Il saïha. Subhanallah. Il a crié. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un cri, il les a tous tués. Le cri a provoqué, hein, quoi ? La mort de la chamelle, qui était quoi ? Qui était le signe d'Allah sur le peuple de Thamoud. Allahu Akbar. Al-jaza min jinsi al-amal. Tu récoltes ce que tu as semé. Tayyib, Fir'aoun. Vous allez me dire, Fir'aoun, qu'est-ce qu'il a fait, Fir'aoun ? Fir'aoun, il a dit à son peuple, هذه الأنهار تجري من تحتي. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit Fir'aoun, alayhi ma yastahiq min Allah. Fir'aoun, il a dit, ne voyez-vous pas ces ruisseaux qui coulent en dessous de moi? Afala tubsirun. Ne voyez-vous pas cela? Allah, comment qu'il a châtié Fir'aoun? Toi qui disais que les ruisseaux coulent en dessous de toi, regarde aujourd'hui. Une mer, elle s'est ouverte devant lui. Une mer, elle s'est ouverte devant lui et elle l'engloutit. Une mer, Yahwan. Kattawdil Azim, comme des grands monts, comme des grandes montagnes. Allah, il a ouvert par sa puissance. Celui qui prétendait voir les ruisseaux couler par sa force et par sa puissance et qui se disait Seigneur, comment qu'il est mort ? Il est mort avec ces deux grandes vagues qui l'ont complètement écrasé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des sports qui sont un peu dangereux avec la mer. Hein, et ils racontent, ces gens-là, ils racontent que des fois une vague, elle les a prises. Et qu'ils appellent ça l'effet de la machine à laver. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à respirer. Ça, c'est juste une vague. Imagine-toi, Allah, il ouvre quoi ? La mer. Et il la referme sur toi. A'oudou billah. Mais quand est venu le moment de la mort, c'est là qu'il a voulu faire sa shahada, qui n'a pas été acceptée d'ailleurs. Et dans sa shahada, dans sa parole, il a dit « Amantu billadhi amanat bihi bani Israël ». J'ai cru en ce que a cru les fils d'Israël. Il n'a pas dit « Amantu billah ». Il avait encore ce kibr, il avait encore cet orgueil jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Subhanallah al-Azim. Qu'Allah nous préserve du kibr. Et le kibr, l'orgueil, mes frères, c'est une des choses, un des obstacles de la guidée. Mani'un min mawani' al-hidayah. C'est ça, il dhikruhu, inshallah. Ça, c'est donc Thamoud. Ensuite, vous avez qui ? Vous avez donc Pharaon. Qui d'autre encore ? Le peuple de Ad. Le peuple de Ad, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Man ashaddu minna quwwa. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous ? Subhanallah, c'était ça leur parole. Ils ont réussi à faire des montagnes وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Ils ont réussi à sculpter des maisons dans les montagnes. Et vous avez un petit aperçu jusqu'à maintenant, on en voit encore, hein, on a encore de ces signes-là, car Allah il nous dit أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de méditer, hein, sur les signes, ou sur les vestiges, ou les traces qu'ont laissé ces peuples-là. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit « Man ashaddu minna quwwa ». Allah avec quoi il les a punis? Avec un vent. Quelque chose qui est daif. Est-ce que vous connaissez une force, hein, une force, hein, de ce qu'Allah a créé, plus daif que le vent? Ça? Le vent. Un vent tout simple, il est passé sur eux. Et que annahum a'jazu nakhlin khawiyah. C'était comme des troncs de palmiers vides. Il raconte dans des récits que le vent était rentré par leur bouche, hein, par la bouche ainsi que leur nez, ainsi que leurs orifices, et qu'il avait sorti tout le corps, tout leur corps, ce vent-là. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la puissance d'Allah. Al-jaza min jins al-amal. Tu as, hein, ce que tu récoltes, ce que tu as semé. Naam. L'autre, vous allez me dire comment l'autre? Le peuple de l'autre, vous savez tous à quelle passion ils se sont adonnés, ça, le peuple de l'autre. Et ils ont choisi les hommes à la place de quoi? À la place des femmes. En plus du kufr qu'ils avaient, en plus de la mécréance qu'ils avaient. Car on a entendu des paroles de certaines personnes qui disaient que même si ils avaient le tawhid, l'unicité d'Allah dans leur cœur, ils auraient été quand même châtiés et punis. Ça c'est faux. Celui, yani qu'ils auraient été châtiés à jamais, hein, yani en enfer à jamais. Non, celui qui a la base du tawhid, hein, d'où l'importance aussi de la guider, hein, celui qui a cette base là et cette foi là, inshallah, même s'il a des péchés, ils seront pardonnés par la grâce d'Allah Jalla wa Ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait alors, Thamoud, l'autre, Afwan? Ils ont choisi les hommes à la place des femmes. Ils ont choisi les hommes à la place des femmes. Alors regardons un peu comme Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés. Peut-être qu'on va comprendre. L'autre était là à les appeler jour et nuit. Il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là, c'était presque comme une ibada, c'était comme une adoration qu'ils faisaient. Ils s'adonnaient du lever du soleil jusqu'à la nuit. Ils faisaient ça. Imaginez-vous, subhanallah. Et c'est d'où le mot aussi, c'est la ville dans laquelle ils étaient, c'est quoi? C'est Sodome. D'accord? Et jusqu'à maintenant, hein, il y a des traces du châtiment d'Allah sur eux. Parmi ceux-là, la mer morte. La mer morte, mes frères, Cheikh l'Albani, au début de sa vie, il voyait qu'il était autorisé de nager dans la mer morte. On lui a posé la question. Il a dit oui, yajouz. Et ensuite, lorsqu'il a suivi les écrits, il a vu qu'à la fin de sa vie, il est revenu sur cette parole et il a dit non, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le châtiment d'Allah sur eux. Subhanallah al-Azim. Au début, il voyait qu'il n'y avait pas de dalil, hein, pas de preuve claire. Et ensuite, à la fin de sa vie, il est revenu, il a dit là, ce châtiment-là, yani la mer morte, c'est un châtiment en lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? Il s'est donné à cette passion-là. Jusqu'à ce qu'ils ont eu l'avertissement de leur prophète. Et l'autre est venu vers eux et leur a dit, il leur a même dit hadhihi banati, il leur a dit ata'atuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Est-ce que vous vous adonnez à cette turpitude alors que personne auparavant, avant vous, a fait cela? Jusqu'à ce qu'il y ait un salaf, et quand il a entendu cette chose que faisait le peuple de l'autre, il a dit si Allah ne l'aurait pas dit dans le Coran, j'aurais pas cru que ça pouvait se passer. Subhanallah. Pour vous donner l'importance, Ibn Qayyim va jusqu'à dire que ces gens-là, les gens qui ont été touchés par ce mal-là, cette passion-là, c'est les gens les plus malheureux. Ils font partie des gens les plus malheureux. Imagine-toi quelqu'un miskin qui est devenu musulman après avoir fait cette chose-là. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de tous. Ça, il n'y a pas d'obstacle, hein, entre nous et, on va dire, le repentir d'Allah. Non, celui man taba taba Allah alayh. Walakin, il y a des traces, il y a des choses encore qui restent dans son moral. C'est vrai ou c'est faux? Allah al-musta'an, qu'Allah nous préserve. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, yani ils ont laissé l'autre le prévenir. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de sauver la famille de l'autre, sauf la femme qui était avec lui, avec la femme de l'autre, hein, et il a sauvé donc le reste de la famille de l'autre. Une plume de Jibril. Jibril alayhi salam, quand le prophète alayhi salam il l'a vu, hein, il a dit qu'il faisait tout l'horizon. Tout l'horizon. Qu'il avait 600 ailes. Jibril, avec une plume, il a arraché la qarya, c'est-à-dire le village, il l'a arraché, il l'a déraciné. Il l'a monté aux cieux, jusqu'à ce que al-malaïka, les anges, entendent les chiens en train d'aboyer, hein, les chiens, et les anges, ils ont entendu les chiens aboyer du village dans les cieux, subhanallah. Et cette qarya, ce village-là, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Jibril de le retourner. Et ensuite, de le remettre, hein, de le rejeter sur terre. Et ensuite, de faire suivre cela avec des cailloux pour tout le monde. Il y a même certains récits qui racontent qu'il y avait le nom, après ça reste à vérifier, qu'il y avait le nom de chaque personne dans le caillou. Pas Al-Ma'asi, Ikhwan. Hein? Al-Ma'asi, les désobéissances sont la chose, ou sont la chose, na'am, est la chose qui va t'éloigner de la guidée d'Allah. Et ces gens-là, ils n'étaient pas bien guidés. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Ces gens-là, c'était des gens dont leur raison avait complètement changé, dont leur aql avait complètement changé. Et lorsqu'ils ont adoré ces raisons-là et ces uqul-là, hein, ils sont restés sur ce châtiment d'Allah. Alors, c'est quoi le rapport? Qallabu al-umur. Ils ont retourné les choses. Ils ont voulu retourner les lois d'Allah, les lois humaines qu'Allah il a mis dans sa création, que l'homme doit venir voir la femme. L'homme, normalement, c'est quoi? Là où c'est qu'il doit, hein, faire ses rapports, c'est où? C'est dans une femme, ça, halala. Taïb. Eh bien, Allah, et ils ont voulu retourner ça. Eh bien, Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a retournés. Al-jaza min jins al-amal. Regardez ces peuples, comment Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez aussi Qarun. Qarun qui marchait sur terre. Mais il marchait sur terre en se mettant vraiment au-dessus de tout le monde. Avec orgueil. Toi, cette terre-là, sur laquelle tu t'enorgueillis, hein, et que tu te gonfles d'orgueil, regarde ce qu'Allah est capable de faire de cette terre-là. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la terre. Il est rentré dedans. Un autre hadith dans Sahih Muslim dit qu'un jour, un homme, il est sorti de chez lui. Et cet homme-là, qui est sorti de chez lui, l'orgueil l'a pris. Il a marché un peu, la terre l'a englouti. La terre, elle l'a englouti. Mes frères, des ma'asi, des fois, on n'accorde pas d'importance à certaines désobéissances. Hein? On ne leur donne pas une importance dans nous-mêmes. Et après, on voit les conséquences de ces ma'asi en nous-mêmes. Ça, halala. Il y avait des salafs qui disaient « Kuntu ara athar al-ma'asiya ala dabbati ». Je voyais quoi? Je voyais les traces de la désobéissance. Dans quoi? Les traces de la désobéissance, de ma désobéissance dans ma monture. Ça veut dire quoi ça? Bon, on pourrait comparer ça aujourd'hui avec quoi? Une voiture, hein? Une voiture, ta voiture, elle tombe en panne tous les jours. Tiens, attends. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un péché, j'ai dû ne pas payer telle chose, ou je dois telle chose à une telle personne, etc., etc. Allah est puni. Naam. Surtout si l'autre il a fait dua sur toi. Surtout si l'autre il a fait une invocation, il dit ya Allah, faites qu'il reste chez lui celui-là et qu'il bouge plus. Ah ouais, c'est marrant, mais c'est vrai, malheureusement. Hein, les musulmans en plus en ce moment ils n'ont pas trop de rahma, ils n'ont pas trop de miséricorde entre eux. Hein, 1 euro, c'est 1 euro, surtout avec la crise. Alors il fait du'a contre toi, Allah musta'an. Donc regardez, parmi les causes du châtiment, ou plutôt de l'éloignement de la guidée, il y a ça. Il y a le fait d'aimer cette vie-là. Aimer cette vie-là et ces passions-là, comme l'ont préféré Thamoud, et comme l'ont préféré les autres peuples, hein, au message divin. Et il y a des gens, subhanallah, ils insistent, hein, sur la guidée de leurs proches. Mais mon frère, j'ai envie qu'il fasse la prière. Taïb, toi, t'as fait les asbab. Mais n'oublie pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit dans le Coran, qui dit, la'allaka ba'khihun nafsaka, ba'khi'un nafsaka ala atharihim. Est-ce que tu vas te tuer? Est-ce que tu vas te faire périr toi-même, on va dire, hein, parce qu'il ne croit pas en ce hadith, en ce récit ou en ce discours? Toi, la guidée, elle est auprès de qui? Elle est auprès d'Allah, jalla wa ala. Ce qui prouve aussi l'importance, hein, mimma yubayyinu azamat sha'ni al-hidaya, parmi les versets qui prouvent l'importance de la guider, c'est ce verset d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala dit: an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu lamin as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin. Ce verset nous dit que il y a des gens yawm al-qiyama qui diront cette parole là qui diront, Allah subhanahu wa ta'ala d'abord nous dit qu'il y aura des gens qui diront, ou plutôt il nous prévient, contre cette parole, en disant, Antakula nafsun ya hasrata. Avant qu'une âme, qui en est œuvrée, parce que les versets qui sont avant, wa anibu ila rabbikum wa aslimoula, les versets qui sont avant prouvent qu'il faut œuvrer en revenant avec plein de repentir envers Allah. Ensuite il dit, avant, qui en est la traduction, avant qu'une âme ne dise, malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. Ya ikhwani fillah, mes frères pour Allah. Ces paroles qu'on donne de quelques dizaines de minutes, en réalité, elles ne sont pas faites pour enseigner quelque chose. Parce que l'enseignement, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Moi, avant de lire ça, là, ce qu'il y a en arabe, eh ben, je peux vous dire que j'ai traîné. Et je lisais comme ça. On va dire comment je lisais. Je lisais wa-a-ma, comme ça. Sans abuser. Je lisais, yani, je prenais des petits mots. Il y a un frère, c'est Soufiane qui m'a raconté cette histoire. Hein, le Soufiane, il a fait quoi? Il nous disait qu'il apprenait carrément en phonétique. C'était toi. Qu'il apprenait carrément en phonétique. Et qu'il avait appris des sourates entières comme ça en phonétique. Hein, en phonétique, subhanallah. Le ta'ab. Regardez, imaginez-vous la fatigue. Eh bien, sachez que l'effort que tu peux fournir pour, hein, Allah Jalla wa'ala, wallahi, Allah il va te donner la meilleure des guidées avec cela. Nous, on est là, on rappelle, on fait du rappel. On vous parle d'Ibn al-Qayyim, on va peut-être vous parler, inshallah, de Cheikh l'Islam, de ces gens-là. Voilà qui, en réalité, c'est pourquoi? C'est pour essayer de se mettre dans la voie de ces gens-là. C'est quoi qui a élevé ces salaf salih? C'est quoi qui a élevé les prédécesseurs? C'est quoi? C'est l'ilm wal amal bih. C'est la science. C'est la science, hein? Avec quoi? Avec l'œuvre. C'est-à-dire, ils ont su, ils ont appris et ensuite ils ont mis en pratique ce qu'ils connaissaient. Ils ont connu la récompense de telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre, hein? Et ensuite ils l'ont pratiqué. Des gens qui ont fait le hajj, je ne sais pas combien de fois dans leur vie, des gens qui ont donné pas la moitié de leur fortune, mais toute leur fortune pour Allah, comme l'a fait Abu Bakr. Subhanallah al-Azim. Ça, c'est des gens. Ça ne suffit pas, des paroles. C'est des actes. Sahoulala. Ibn al-Qayyim, quand il vous a parlé d'Ibn al-Qayyim tout à l'heure, Soufiane, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lui, ses vacances, Ibn al-Qayyim, c'était de lire dans les livres de Galinos, etc. Ça, c'était ses vacances. Ça, c'est quand il avait un moment où il fallait qu'il se repose, hein, qu'il avait bien révisé son Coran, qu'il avait bien révisé toute la science qu'il avait. Hop, il allait, il prenait un petit livre de, hein, des, des gens qui étaient donc des sciences, hein, comme toi tu pourrais prendre le magazine Science et Vie et le lire, mais seulement le problème aujourd'hui c'est qu'on va plus se concentrer dans un magazine de Science et Vie, on va bien tadabbar, on va bien méditer sur ce livre là, alors que le Coran, il y a de la poussière, il y a une couche de poussière dessus. Allah musta'an. Allah musta'an, les frères. Quand est-ce l'éveil? Wallahi, l'éveil, si tu veux l'éveil dans ton âme, wallahi, tu l'auras que avec l'ilm al-nafi. Que avec la science utile. En faisant quoi? En faisant du'a. Yahi, demande à Allah qui te waffaq. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide vers cette voie-là. Wallahi, celui qui lit les trésors qu'il y a dans l'islam, wallahi, il n'en finit pas. Et vous savez, ça devient pire qu'une drogue. Faut bien comprendre, c'est pas la drogue qu'on met dans les veines, hein, les trucs qui nous fatiguent. Non, non. C'est pire que ça. Ça veut dire que tu n'arrives pas à dormir sans avoir lu, sans avoir regardé, sans avoir prêté attention à une histoire. Reprendre. Ça, halala. Mais ça, mes frères, il faut l'outil principal. Il faut l'ora al-arabiya. Cheikh Mourbeli disait l'ora fasul ulum. Il disait que la langue arabe, c'était la hache de la science. Et si toi, tu prétends comprendre le din avec la langue française, eh ben, sache une chose, c'est que tu te trompes. Pourquoi? Parce que le Coran, il est descendu en quelle langue? Coranan arabiyan la'allakum taqilun. Aql. Aql, raison encore. Il disait, cher l'islam, sur la langue arabe, il disait même que laha athar, elle a des traces sur le aql, c'est-à-dire sur la raison de la personne. Plus une personne parle arabe avec les règles de grammaire, plus elle est aqila, plus elle est raisonnable. Parce que c'est une mathématique. Ah là, il faut que je mette un A. Ah là, il faut que je mette un I. Ah là, il faut que je mette un N. Ah là, il faut que je mette un UN. Et voilà. Subhanallah. Et ça, c'est un travail, une gymnastique qui fait que, subhanallah, tu vas te sentir, même dans la loura, l'arabiya, même dans ton parler, tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir guidé, ya akhi. Ya laha min ni'am. Ya laha min ni'am, tafoutuna wa tafoutukum. Bisababi annani atakallam bil loura al-faransiya. Hein, par la cause que je parle en français, hein, il y a plein de ni'am qu'on passe dessus la flûte. Hein, comme ça. Taïb. Allah nous dit donc, pour nous prouver la guidée, malheur à moi, hein, ya hasrat ala na'am, ya hasrat ala ma farratu fi janbillah wa in kuntu la min as-sakhirin. Malheur à moi pour mes manquements. Aywa. Mes manquements. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici là, la traduction elle est bonne ici, mes manquements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fait les causes pour être quoi? Pour être guidé. Sah ou la? Donc il faut, car comme vous savez tous dans le hadith, tu fais un pas vers Allah, Allah il en fait deux vers toi. Tu as essayé de lire le Coran, Allah il va t'aider. Si tu es mukhlis, tu as une bonne niya envers Allah, Jalla wa ala, Allah, wallah, il va t'aider. Je jure par Allah qu'il va t'aider. Parce que toi, tu n'es pas mieux ou pire que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que avec l'ikhlas, avec la sincérité, Inch'Allah, tu as ce que tu veux. Ud'uni astajib lakum, Allah il dit. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Parmi les versets qui nous prouvent aussi l'importance de la guider, c'est la parole d'Allah dans Surat Tawbah, où Allah nous dit وَمَا كَانَ اللَّهِ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Allah nous dit dans ce verset-là, Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Qu'est-ce que c'est difficile de parler en français quand on ne sait pas trop parler le français. Vous avez vu comment que c'est lourd, hein, une petite parole, hein. Et là, l'arabe, il est là. L'arabe, il est que une parole, elle a plein de mal. Vous avez déjà vu le dictionnaire? Dictionnaire arabe-français. Tu prends une parole, eh ben, elle veut dire plusieurs paroles. C'est pour ça que tu n'auras jamais, hein, le vrai sens de la religion qu'avec cette langue-là. Donc ça, c'est des paroles, des versets qui nous prouvent l'importance de la guider. Hein, la guider qui est ici, la guider de ad-dilala wal-bayan, d'indication. طيب. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les mufassirin, c'est-à-dire les érudits dans la science du tafsir, dans l'explication du Coran, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala hadahum hidayat al-bayan falam yahtadu. Et donc ils n'ont pas suivi cette guidée-là. Fa'adallahum, il les a certes égarés. Le fait juste de délaisser, d'avoir eu l'occasion, alors suivez bien là, d'avoir eu l'occasion d'être guidé, et tu as délaissé cette guidée, et bien ça, c'est une forme d'égarement. Et combien aujourd'hui on appelle des gens, faites le khair, faites ceci, faites cela, et toi tu es là, tu réfléchis, tu dis, oh c'est beau ce discours, oh c'est... Tu rentres chez toi et tu fais rien. Non. Fais ahdun alayya. Tu te mets des promesses. Tu te jures. Tu dis, Wallah, à partir de demain, je vais faire ça. À partir de tel jour, je vais faire ça. C'est comme ça que tu vas réussir, mon frère. Et qu'Allah il nous aide tous. Ahmad délaissait toujours d'entendre. Il y avait un salaf, je ne sais plus si c'était Abu Dhar, Al-Ghifari, qui avait dit, ils ont dit, viens écouter le discours. Ta'al li tasma al-hadith. Viens écouter le discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aturiduna. Est-ce que vous voulez que j'écoute encore des preuves contre moi? Parce que le din, c'est une preuve. Bayina, c'est une preuve. Imma laka wa imma alayk. Imma laka, imma alayk. Wal Qur'an hujjatun laka ou alayk. Le Qur'an, c'est une hujja. C'est une hujja. Pour toi, yawm al-qiyama, ou contre toi. Na'udhu billahi min ghadabi. Thalithan, al-hidaya, hidayatu al-tawfiq, wal-ilham. Ça, c'est la troisième forme de guider. La première, c'était laquelle? Hein? Pour ceux qui écrivent. Parce que ceux qui n'écrivent pas, c'est pas des darakotni. C'est pas des ulama comme Darakotni qui arrivait à écouter et en même temps écrire. Il arrivait à écouter, il apprenait tout ce que la personne disait et il arrivait à réécrire tout ce que était dit. Allahu Akbar, subhanallah, il avait un hifd ajib. Qui sait alors, c'est quoi la première guidée? Général Amma. Ah, il apprend un mot en arabe. Bah tu vois, tu fais ça pendant je sais pas combien de temps. Il y a combien de semaines dans une année? 52. Eh bah tu peux avoir 52 mots en arabe. Juste en apprenant un mot à chaque muhadara. C'est pas une ni'ma ça? Enfin, une fois par semaine, quoi. Le jumu'ah, ne serait-ce que le jumu'ah. Subhanallah al-Azim. C'est beaucoup ça, ça. Il rigole, mais c'est vrai. C'est dramatique. C'est dramatique. Jazakallahu khairan. C'est dramatique pour nous aussi, mon frère. C'est dramatique pour tout le monde. Allah musta'an. Amin. Ah, tu vois, Allahumma hadina. C'est le sujet de la muhadara. Allah hadina. Jami'an. Tayyib. Donc, on est arrivé où? Hidayat amma. Hidayat, le deuxième c'est quoi? Al-bayan, al-irshad. Et celle-là c'est laquelle? C'est celle qui a été envoyée par Allah, par le biais des prophètes, alayhim salatu wassalam. Taïb, l'hidayat, thalitha, c'est laquelle? Je viens de la dire. At-tawfiq. Wa nas'al Allah at-tawfiq. Qu'Allah nous waffaq. Qu'Allah nous donne cette guidée jusqu'à ce qu'on le rencontre. Subhanallah, mes frères. Essayez de vous souvenir du moment où Allah t'a guidé. Wallah, j'ai entendu des ulama dire innaha sa'atu as-sa'ada. Qu'est-ce que t'étais toi avant? Qu'est-ce qu'on était nous avant? Wa in kuntum la min qablihi la mina. Qu'est-ce qu'on était nous avant? Yahi, toi, tu vivais pire. On va dire moi, parce que sinon après on va dire toi, t'as dit moi. On vivait pire que des animaux. C'est pour ça la parole sans foi ni loi, vraiment, elle a vraiment son sens. T'as pas de code. Un petit bébé, tu le frappes comme si c'était un rajoul de 15 ans ou là de 20 ans, tu le frappes comme ça en le mettant. Sans gêne, tu viens, tu prends l'argent de l'autre, tu viens, tu médites, tu, subhanallah, tes parents, tu leur parles comme si c'était tes amis de la rue. Oh, vas-y, toi, Allah musta'an. Et Allah nous dit fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Regardez, subhanallah, mes frères, comment qu'on était. Ça mérite pas qu'on soit des gens juste parce qu'Allah il nous a guidés. Ça mérite pas qu'on dise plus de fois cette parole qu'on dit 17 fois par jour, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça mérite pas plus de fois. Hein? On dit 17 fois par jour, ça? Hein? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Soit un shakir ya akhi, soit tu shkur Allah azza wa jalla ala ma hadak. Soit tu es reconnaissant envers Allah, soit tu es un kafir. Un kafir, c'est dans le sens où tu es ingrat. Kufr al-ni'ma. C'est pas dans le sens où tu es un kafir, tu sors de l'islam. Heureusement pas, parce que franchement, ce serait tous pas bien. Hein? Donc regardez, mes frères, la guider. La guider, toi, t'ashkur Allah azza wa jal qu'Allah t'a guidé. Et toi, tu te souviens de ces heures-là? Juste souviens-toi des heures où tu as fait les premiers pas vers ta guidée. Tu n'as pas senti que ton âme, elle est passée dans une machine à laver? Et elle est ressortie toute neuve. Sahulala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nas Allah al-thabat. Nas Allah al-thabat. Ou nas Allah al-maut ala al-islam. Allahumma la tumitna illa muslimin. Hidayat al-tawfiq. La guidée de la réussite. Tawfiq est la réussite. Wal-ilham. L'inspiration. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a épanoui, sharaha sadrak, il a épanoui complètement ton cœur, ta poitrine, il l'a épanoui. Et il t'a guidé vers cette religion, qui est l'islam. Min yahdillah, fahuwa al-muhtad. Allah nous dit, celui que Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et Allah nous dit aussi dans le Coran, laysa alayka hudahum, walakin Allah yahdi man yasha. Allah nous dit dans le Coran, laysa alayka hudahum, il ne t'appartient pas à toi la guider, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est à Allah qu'appartient la guider, c'est lui qui guide qui il veut. Allah nous dit aussi dans le Coran, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat. Allah nous dit dans le Coran, dans ce verset là, ses mauvaises actions, qu'il les voit bonnes, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala égare certes qui il veut, wa yahdi man yasha, et Allah guide qui il veut, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous savez, dans les ayats, dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète, alayhi salatu wassalam, comme miséricorde pour l'humanité. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait tellement de la rahma, il avait tellement de clémence envers les créatures. Il avait tellement de douceur envers les créatures et de gentillesse que ça le gênait et ça le remplissait de gêne, hein, ce qui se passait lorsqu'il voyait une personne qui était égarée. Comme il l'a fait avec son oncle. Il regardait son oncle. Il dit, « Ya am, qul la ilaha illallah. Oh, mon oncle, dis la ilaha illallah. » Une parole que je vais prendre, hein, à témoin, Yom al-Qiyama, subhanallah al-Azim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il accompagnait les gens jusqu'à leur mort. Il était haris. Jusqu'à leur mort, jusqu'aux dernières minutes de leur vie, il venait à leur lit, comme il est venu chez le Yahoudi, chez cette personne qui était juive, et il lui a dit, Aslim. Il lui a dit, rentre dans l'islam. Ensuite, son père lui a dit, Ati' Aba al-Qasim. Obéis à Abu al-Qasim, qui était la cunia du prophète. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shahada, l'enfant a fait la shahada, et le prophète est sorti de chez lui, se réjouissant de cette œuvre-là, en disant Alhamdulillah, alladhi anqadhahu minan nar. Allahu Akbar. Regardez cet homme comme qu'il était bon. Et bien, regardez le prophète, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur lui. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَصَرَاتٍ. Ça veut dire que le prophète, عَيْسَىٰ كَانْ يَتَحَصَّرْ شَيْئًا. Il avait ses regrets qui se répandaient envers l'égarement hein, des serviteurs. On me dit que doit arrêter, c'est ça? خلاص انا الوقت ها خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وعلى حسن استماعكم.